La visite par Charles-Henri Hirsch. Madame de Sorbes s'était retirée en Poitou dès l'inhumation de son mari. Il était mort à 40 ans, en pleine force de son génie, dans la gloire d'un haut artiste. On l'avait surnommé le musicien de la femme, mais il avait été plus que cela, un interprète de la passion et de la douleur, le Chopin français, un maître dès ses premières pages. Sa beauté d'archange aurait desservi le labeur de tout autre. Il avait travaillé, parce qu'il avait beaucoup à dire, et devinait peut-être la brièveté de son destin. Surtout, c'était sa joie supérieure et pour lui, le but unique. Il s'était marié par amour et précaution afin d'accomplir son œuvre et de la défendre contre les aventures. Une fille lui était née, dont la présence avait rafraîchi l'inspiration paternelle. Et quelques 10 ans plus tard, il avait produit le cahier sublime des 7 sonates pour un cœur ardent, puis sa dernière et 3e symphonie, si simplement nommée Ma Confession, dont on est sûr qu'il l'a faite de son sang et de son âme, puisque la mort est aussitôt venue en ravir l'auteur à cette terre, d'où nul ne s'élève jamais pour une ascension infinie. Là-bas, dans la maison campagnarde qu'il avait prise en dégoût 3 années avant sa fin, sa veuve avait reçu 2 lettres éplorées d'une inconnue qui la suppliait de permettre qu'on ouvrît pour elle l'appartement du boulevard Malesherbes où de Sorbes avait achevé ses jours. Elle voulait accomplir un pèlerinage d'admiratrice. Elle suppliait au nom de la mort qu'elle portait en soi et qui ne lui permettait pas d'attendre. La signature Lysia Baclou ne révéla rien à Madame de Sorbes. Elle répondit, fixant une date, qu'une parente ou une amie serait là, à telle heure, pour recevoir la visiteuse. Et ce fut elle. Poussée par un démon intérieur, la proie d'une impatience qui l'avait arrachée de son enfant et du calme où leurs larmes s'étaient ralenties, que Lysia Baclou trouva dans le salon. À qui ai-je l'honneur ? Je suis une cousine de Madame de Sorbes. Elle m'a prié de vous recevoir. La veuve n'avait point prémédité ce mensonge. Elle l'avait commis pour avoir reconnu cette femme, distinguée, lui sembla-t-il, d'entre les milliers de gens qui avaient suivi les obsèques du musicien. À l'église, au cimetière, elle avait remarqué ce port sous le châle du grand deuil, ce visage en pleurs, cette chevelure en nimbe éblouissant. Elle aurait été soulagée, en son immense détresse, de prendre les mains de cette femme, d'en écouter la voix. À la Madeleine, Madame de Sorbes l'avait aperçue à 2 pas d'elle, et qui s'était subitement écarté de la file des gens, comme par un brusque réveil de douleur qui l'eût cassé. Au Père Lachaise, après l'interminable défilé et le supplice du murmure des paroles banales, quand elle s'était fait soutenir pour retourner encore au béant tombeau, son approche en avait chassé quelqu'un et c'était la même inconnue. « Excusez-moi, je vous prie. » Elle creva en pleurs et Madame de Sorbes dut lui aider à s'asseoir. « Merci, madame. Je croyais être plus forte. » « Remettez-vous. » La veuve sentait son cœur durcir. Entre elle et la visiteuse, le mort était présent, d'une présence redoutable et d'un sens mystérieux, tant il les hantait l'une et l'autre, chacune secrète. Mais la femme légitime, attirée par le secret de Lysia Baclou, comme un voleur d'intention par le trésor protégé. « Si vous êtes mieux, je pourrais vous conduire. C'est cela, madame. » Un jour gai remplissait l'atelier, accrochant des étincelles aux tuyaux de l'or et aux vases. De son mouchoir, Lysia Baclou effleura le clavier du piano. Madame de Sorbes, qui avait ouvert le couvercle, avait surpris ce geste, et il la fit se mordre les lèvres. « Après lui, personne n'a joué sur ce piano, » dit-elle. À ces mots, l'autre fut transfigurée. Elle parut ne pas voir les yeux guetteurs qui, sur elle, fixaient un regard intense, volontaire et cruel. Elle prononça très bas, « Si j'osais, la sonate de l'advenue est si belle. » Plus haut, elle continua. « Croyez-vous, madame, que Madame de Sorbes me refuserait la consolation de jouer ici, sur cet instrument ? L'accord peut être défectueux. Ah, je suis sûr que non. Et puis, Lysia Baclou n'attendit pas la permission. Elle avait ôté et jeté au hasard son chapeau et ses gants. L'immortelle musique chanta dans cet espace où l'avait été créée. Et bientôt, cette certitude blessa Madame de Sorbes, que jamais interprète n'avait rendu l'œuvre d'une manière aussi proche de l'exécution qu'en faisait l'auteur, dans ce style inimitable que désespérait d'égaler les très rares intimes pour lesquels de Sorbes avait joué son œuvre. La musicienne s'arrête à court au début du largo, les paumes écrasant ses lèvres d'où sortait un long sanglot rauque. Madame, pour jouer ainsi, qu'une telle douleur vous bouleverse, il faut que vous ayez connu. Je l'admirais, je l'admire. Il manque à ma vie comme... Ah, j'ai eu tort de vouloir réveiller ce piano. Voulez-vous me montrer sa chambre et je m'en irai, madame. Elle supporta l'inquisition du regard où flambait la dure jalousie de la veuve, et simplement, elle se leva du tabouret. Madame de Sorbes se contint par envie de savoir. Elle annonça sur le seuil d'une porte, avant que de l'ouvrir, « C'est là qu'il est mort, madame. » Elle s'était effacée. Lysia Baclou passa, chancelante, devant elle. Les deux femmes demeurèrent côte à côte quelques secondes, silencieuses, dominées par le fantôme qu'elles se disputaient. Il leur parla à chacune, selon ce qu'il était dans la mémoire de chacune, et des larmes vinrent à celle qui n'avait pas encore pleuré, tandis que l'autre essuya ses yeux brûlants qu'elle détourna du lit étroit, où elle évoquait le cadavre qu'elle n'avait pas eu le droit de voir. Sur la cheminée, dans des cadres pareils, obliques à l'arête du marbre, vis-à-vis, était la photographie du compositeur et celle de sa veuve, dans l'éclat de la jeunesse qui les avait fiancés et conjoints. Lysia adressa un pauvre sourire à son guide pour lui apprendre l'inutilité de son mensonge. « Oui, je suis Madame de Sorbes. Vous comprendrez maintenant que je veuille savoir. Il n'y a rien à savoir que mon admiration pour de Sorbes. Vous avez connu Gilbert. Je vous dis que vous l'avez connu. Vous avez été son admiratrice, madame. Rien qu'une lointaine admiratrice, mais la plus dominée par son art, la servante de son génie. » Elle fit signe qu'elle ne pouvait plus parler. Sa tête balança, les paupières mi-closes sur des yeux révulsés, la bouche cherchant l'air, atroce d'angoisse. Le secours instinctif de Madame de Sorbes la retint jusqu'au fauteuil où l'artiste avait vécu ses heures suprêmes. Et le délire prit Lysia qui prononça des bribes de phrases, des mots, des syllabes inintelligibles. À force de volonté, la veuve comprit. « Chérie. » 3 ans. Amour. Gilles, mon Gilles. Elle quêtait, de toute sa force, son être bandé contre la souffrance et l'humiliation pour savoir, pour extraire la douloureuse vérité de ce corps qui ne la pouvait plus défendre. Et elle finit par ordonner, son souffle chaud frôlant la face froide et livide. Parle, parle, dis tout. Il a été ton amant. Je veux que tu avoues. Elle s'épuisa, sans rien obtenir du corps inerte. Lorsque la vie leur anima, les yeux exprimèrent la surprise d'abord, une inquiétude, quand ils eurent identifié le lieu, enfin, une désolation insondable, que cette phrase soupirée expliqua. « Pourquoi ne suis-je pas morte ici ?» Madame de Sorbes se rappela qu'à la minute de la fin, là, précisément où cette femme remontait à peine de l'inconscience, son mari lui avait demandé pardon, avait balbutié quelque chose comme Lysia, et répété de plus en plus faiblement, jusqu'à ce que s'évanouit son haleine. L'advenu, l'advenu, l'advenu. Alors, sa haine avec sa douleur tombant, elle imposa ses mains, voilant le regard désespéré qui appelait le sien. Et du fond de son cœur blessé, montèrent ces mots d'absolution qu'elle adressa dans l'éternité et qui furent peut-être entendus d'une vivante. Je te pardonne. C'était la visite par Charles-Henri Hirsch.